On va écouter et donner la parole maintenant à Anne-Marie. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, tu dis oui. Oui. Anne-Marie, dont on a déjà entendu le témoignage donc à deux reprises, hein, au moment de la quatrième séance à propos de l'évocation des collectifs vidéo implantés en région. On a eu tout un débat autour de cette question de la région. Ça ne contredit évidemment en aucune manière une action nationale et internationale, genre internationaliste, on est d'accord. En particulier pour ADP, parce que vous avez notamment filmé en 1974 au Portugal, pendant la révolution des œillets. Et puis, vous avez également diffusé des films réalisés à l'étranger en France. Non seulement vous avez filmé à l'étranger, vous avez aussi introduit en France des films tournés à l'étranger. Donc effectivement, l'action en plus était vraiment d'envergure international. Et puis on t'a entendu aussi, oui. En tout cas il y avait des intentions, me semble-t-il, internationales dans l'internationalisme, enfin c'est à toi de le dire après, mais on t'a entendu aussi autour de l'IP, mais hélas insuffisamment, et la question des LIP croisait déjà la question féministe, la problématique féministe. Donc il me semble intéressant pour ADP, donc, après avoir entendu donc Vidéo 00 qui disait faire de l'écologie politique son épicentre. Je trouve dans les textes de 76, c'est vraiment cette question-là qu'on retrouve dans vos témoignages, la présentation de Vidéo 00. Et il me semble que pour ADP, enfin moi ce qui me frappe dans la filmographie, c'est qu'on va retrouver, je dirais, les trois luttes émergentes, les trois mouvements émergents qui font l'objet de nos études de cas. Donc c'est la troisième séance aujourd'hui, LIP en l'occurrence, le mouvement féministe, parce que la question de l'IP est déjà à travers un angle féministe, mais aussi parce que vous avez tourné au moment du procès à Aix-en-Provence, du procès pour viol. Hein. Mm-hmm. Et puis on vous retrouve aussi justement sur le mouvement anti-nucléaire. Donc je pense que c'est important que tu nous reprécises un petit peu d'où tu parles avec ADP, votre relation au cahier de mai à l'origine et votre émancipation peut-être justement par le biais de la question écologique. Oui, donc c'était moins une question idéologique pour nous et d'écologie politique, mais plutôt une question, on va dire, d'émancipation par rapport à nos maîtres politiques et à des engagements plutôt dans des luttes ouvrières. Et c'est vrai que quand ma ville s'est présentée, on a décidé d'y aller. Et donc c'est ça, toute l'équipe pratiquement de ADP, donc j'ai, grâce à ce travail de séminaire, j'ai pu recontacter les copines de ce mouvement. Et effectivement, on a fait le point avec Catherine tout à l'heure, qui devait être là, mais qui est chercheuse à l'INSERM. On était pratiquement tous, je veux dire, l'été 76 était très occupé. Donc il y en avait deux équipes qui étaient à Malville et une équipe qui était à Seveso en juillet. Et en août, une équipe qui est partie au Portugal, quoi. Donc, c'est vrai que c'était vraiment le moment où on pouvait, on avait enfin décidé de se dissocier des cahiers de mai par rapport à ce qu'on choisissait de filmer, vraiment. Et parce que, donc, les cahiers de mai nous disaient plutôt... Enfin, c'était à ce moment-là, ça s'appelait les liaisons directes, parce que les cahiers de mai ont cessé de paraître en 1974. C'était des luttes clignotantes pour ses camarades. Donc, on s'est dit, on va clignoter avec, hein, il n'y a pas de souci. Et donc, quand on est parti, je veux dire, moi, c'est la première fois que je tenais une caméra déjà, dans une situation d'affrontement déjà. Donc, c'est vrai que c'était des moments assez fantastiques à vivre. Et on est parti, donc, entre 1975, le moment où on a filmé le clown atomique à Vaux-en-Velin, et PH de Roussillon, et donc, ça, c'est dans le Rhône. Et jusqu'en 78, 79, on va dire, notre présence et notre action dans la région de Malville. Alors, c'est vrai que nous, on verra dans l'extrait, pour beaucoup d'entre nous, c'était une découverte de ce que c'était un peu l'écologie. Les écologistes, on ne connaissait pas. Et je remercie Alain de bien préciser que on n'est pas dans une catégorie. Moi, je ne suis pas ni anti-nucléaire, ni écologiste, ni tout ça, quoi. Je suis quelqu'un qui circule et qui navigue dans différents milieux et qui essaie de comprendre comment ça se fabrique, la société et la vie, quoi. Et voilà. Donc, le clown atomique, ça a été notre premier contact. Donc, on l'a filmé en 1975. Donc c'est un spectacle, il s'appelle Jean Kergrist, c'est quelqu'un qui venait du TNP de Lyon, qui a, qui a coupé avec le TNP, Théâtre National Populaire de Lyon de Planchon, et qui a fait des spectacles, donc il y a le clown atomique, le clown agricole, et qui circulait avec une carriole et un spectacle, donc dans toute la France, etc. Et lui a beaucoup déjà, je veux dire, circulé pour intéresser les gens au nucléaire. Ça, c'était aussi une arme très, très importante. En plus, on l'a vu à la BNF, qui est encore plein d'actualités par rapport aux questions sur le nucléaire, quoi. Et la façon dont on réagit. Voilà, donc il y a cette bobine. On veut le passer ? Oui. Évidemment, j'ai dit une bêtise sur la date de votre tournage au Portugal. Oui, mais c'est pas grave. C'était pas les 74. Oui, mais attends, il y a l'autre. C'était après. Pardon. Non, mais ça aurait pu. Non, si, ça, on tournait en 74 déjà, oui. C'est pas un souci, oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué les dates. C'est toujours compliqué. Alors, à Framatome, les réacteurs, et à la CGE, est content. Pas ici la bonne soussoupe. Y a bon le nucléaire. Pour le pas des multinationales. Y a bon le nucléaire. Washington, Washington, Washington House. Reçois le gym Cuman. Le plein bas en campagne. Y a bon le nucléaire. Washington, Washington, Washington House. Toute la multinationale chante l'air du nucléaire. Donc là, c'était un tournage un peu difficile. Il y a deux caméras, comme vous avez vu. Il y a un éclairage qui marche bien et l'autre qui marche moins bien. Il y a un tube qui a cramé. Tout va bien, quoi. Mais son spectacle a fait un tabac. Il y a vraiment, avant, les manifestations 75-76 à Malville, il circulait avec sa carriole un peu partout dans la région. Hein. Donc c'est vrai que ça a été important comme... Voilà, nous, on a eu envie de... Et après, on a diffusé, effectivement, la bobine.